Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République. C'est parti. Salut Alessandra. Salut Lynn. Alors pour ce 32e épisode du podcast Crépidule, nous sommes assises dans des transats à la Barge à Genève, qui est à la promenade des Lavandières, je crois que ça s'appelle, sur le Rhône. Oui, et puis c'est pas n'importe quel transat, parce que c'est à peu près les mêmes sur lesquels on s'était assises il y a de ça 2 ans maintenant. Oui. Quand on réfléchissait à comment continuer notre engagement culturello-politico-féministe. Et en créant ce podcast. Et en abordant la thématique qu'on va dérouler aujourd'hui. Tout se tient, tout est pensé. Oui, mais avant de commencer à parler, on va parler genre et santé. Mais avant ça, Alessandra. Lynn. Il y a quelques jours, j'ai revu le film Matrix. Lequel ? Le premier, le deuxième ? Non, il n'y a que le premier qui compte. D'accord. Donc, Matrix, c'est un film sorti en 1999. Et je déroule même pas le plot ici parce que tout le monde, je pense en tout cas tout le monde qui a au-dessus de 25 ans est plus ou moins censé l'avoir vu. Enfin bref, mais le film a extrêmement mal vieilli, Alessandra. Je me demandais justement comment est-ce que quelqu'un né dans les années, dans les années 2000 aperçoit ce film aujourd'hui, parce qu'il doit paraître tellement naze. Mais non, je l'ai vu avec mon fils, revu avec mon fils il y a quelques mois, il a vachement aimé. Tu te trompes, tu généralises, tu vois. Ok. Toi, tu trouves que ça a très mal vieilli. Oui, je trouve vraiment les décors, il y a un truc hyper kitsch comme ça. Mais quand même, en le regardant, et je pense que je ne suis pas du tout la première à faire cette analyse, mais il y a vraiment en fait toute une dimension féministe à ce film, ou toute une dimension queer, on peut dire. Bon, alors déjà, il y a ce truc culte quand Neo, joué par l'exécrablement mauvais acteur Keanu Reeves, quand il doit choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue, et qu'une fois qu'il découvrira la matrice, il n'y a pas de retour arrière possible. Et puis, il y a aussi le personnage de Trinity, qui est une héroïne dans le film, et vraiment une héroïne forte, puissante. Puis c'est assez bien, il y a un moment où il y a une sorte de bataille entre Trinity, Neo, et puis un des agents Smith, là, qui sont les agents de la matrice, qui veillent à ce que la matrice reste en place. Et puis, Neo est en train de se battre contre l'agent et il dit « Trinity, aide-moi ». Et j'ai trouvé ça assez fort parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les films ou qu'on entend souvent dans les films comme ça d'action. Vraiment un appel d'aide très clair comme ça du personnage principal masculin qui est donc le héros. Voilà, ça j'ai trouvé assez intéressant. Et puis... Puis elle n'est pas toute jeune aussi, voilà, c'est pas... Oui, ouais, c'est juste aussi... Elle performe quelque chose de l'expérience, hein, Oui, tout ouais. à fait. Et ça aussi, justement, quand Neo rencontre Trinity pour la première fois, donc Trinity est une célèbre hacker dans le film, et Neo la rencontre pour la première fois dans un club, et il s'étonne en fait que ce soit une femme. Il dit « Je m'attendais à voir un homme ». Donc ça, je trouve aussi, voilà, il y a aussi là une perspective, enfin une petite analyse comme ça. Et puis aussi, vraiment, le personnage de Neo, qui, dans les mesures hollywoodiennes, n'est pas du tout un personnage comme ça, macho, enfin très, tu vois, bâti, tu vois, un peu buff comme ça. C'est vraiment une dégaine assez efféminée, élancée, mm-hmm. assez, tu vois, quelque chose de timide, de retenu. Et puis, voilà, il y a d'autres choses aussi. Par exemple, les habits qu'il porte dans le vaisseau. Donc, c'est des habits comme ça, un peu en laine, gris, unisex. Tu vois, tout le monde porte plus ou moins la même chose. Ce qui n'est pas du tout le cas quand ils vont dans la matrice, où là, évidemment, c'est très... tu vois, les femmes ont latex serré. Et puis, les hommes, un peu plus bad guy comme ça. Et puis, il y a aussi le personnage de Switch. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il est un peu fou, là. Il est un peu... Non ? Hein ? Il n'est pas un peu foufou comme ça ? Le personnage de Switch, ouais, en fait, ouais. C'est... Donc moi, je l'ai identifiée comme une femme. Ah. Elle est habillée souvent en blanc, mais elle est très, très androgyne. Oh, Faudra que je re-regarde, je me souviens plus. Enfin, et le film, il a donc été réalisé par Larry Wachowski et Andy Wachowski. Aujourd'hui, ils ont pris, ou elles ont pris le nom de Lana et Lily Wachowski. Et donc, elles ont fait leur transition et l'a rendu public quelques années après la sortie du film. Et moi, j'ai vraiment découvert ça l'autre jour. Je n'étais pas du tout au courant. Et c'est pour ça, enfin bref, que j'ai commencé aussi à un peu plus lire là-dessus. Et je pense qu'il y a, enfin, il y a vraiment une question d'identité aussi. Et je pense une question qui reflète des questionnements transgenres autour du personnage de Neo, qui dans la matrice, son nom c'est Thomas Anderson. Et puis Neo, c'est le nom que lui, il a pris, le nom de hacker. Et puis, à la fin du film, il deviendra l'élu, The One. The One, ouais. Ouais. Et, mais seulement après avoir fait une sorte de travail comme ça sur lui-même. Et son nom matrice, Thomas Anderson, il est uniquement utilisé par des figures d'autorité. Donc, comme les agents Smith de la matrice, ou encore, par exemple, son chef de bureau, là où il travaille. Et il l'appelle toujours Mr. Anderson, alors que ses amis, Trinity et compagnie, l'appellent par son nom, le nom qu'il a choisi, Neo. Et justement, dans un interrogatoire où Neo est interrogé par des agents Smith, ces derniers demandent à Neo de choisir entre sa vie comme Thomas Anderson et puis sa vie comme Neo. Donc il y a vraiment comme ça une, je pense, ouais, vraiment une réflexion là autour. Donc j'ai trouvé assez chouette en fait de, finalement de revoir le film et puis de pouvoir voilà, avoir un autre niveau de lecture, et c'était vraiment chouette. Ouais, c'est intéressant ta réflexion sur l'identité, il y a sûrement quelque chose. Et puis en fait ça, je vais pas me réapproprier parce que il y a en fait une journaliste transgenre, E.A. Lockhart, qui a écrit dans le Huffington Post justement en fait une analyse sur le film Matrix et sur les enjeux de transidentité qu'on peut y lire. Donc on mettra le lien sur le post-pod. Et en tout cas, ils ont, je crois qu'elles ont commencé, puis après c'est qu'une des deux qui l'a fait, ça je ne suis plus tout à fait sûre, mais elles ont réalisé une série pour à nouveau Netflix. D'ailleurs, je te disais que c'était le prochain endroit où on devait demander des fonds Netflix parce qu'on n'arrête pas de parler de leur production. Ah. Bon, ceci étant, donc une série qui s'appelle Sense8. Oui, tu m'as demandé de regarder, puis j'ai regardé. Je t'ai proposé. Ok, tu m'as proposé de regarder. J'ai essayé, Alessandra. Ah, t'as essayé, mais souvent tu essayais pas pu. Oui, le premier épisode est assez étrange, mais ça mêle tout un univers un peu science-fiction comme ça, d'êtres qui pourraient se rencontrer hors de leur dimension physique. Peu importe, il y a une palette de représentations de personnages aux orientations sexuelles diverses, pas forcément définies. Il y a une actrice transgenre où la question de la transgenre, elle est évoquée, mais c'est pas non plus tout à fait central. Il y a des scènes de cul assez chaudes, justement dans des configurations pas du tout hétéronormées. Enfin, à tel point que cette série, elle a eu 2 saisons et que Netflix a déclaré après ne plus vouloir produire la 3e. Avec la question de ce que c'était justement trop subversif. Et il y a eu une énorme mobilisation des abonnés. Et finalement, je crois que là, dans les mois qui viennent, il va y avoir un épisode conclusif. Mais en tout cas, voilà, tout un parcours de ses sœurs, Wachowski, remarquable. Alessandra. Lynn. Qu'est-ce que la santé ? C'est évidemment une question rhétorique, Alessandra, puisque tu fais actuellement une thèse en histoire de la médecine, donc tu le sais très bien. Mais jouons le jeu ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la santé ? D'après l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Mais parler de santé, c'est aussi faire référence à toute une série de professions, de métiers, d'activités. Et parler de santé, c'est aussi parler d'inégalité, de discrimination, de rapport de pouvoir et de rapport de genre. parce que les groupes et les personnes ne sont pas égaux face à cet état de complet bien-être prôné par l'OMS. On peut par exemple penser juste à l'accès aux soins. Qui est-ce qui peut se le permettre financièrement? Qui n'y a pas accès? Et parmi les métiers de la santé, il y a aussi des enjeux de genre majeurs, puisque les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes positions. Et là, j'ai été chercher quelques chiffres en Suisse, donc qui datent de 2015. Les femmes représentent 74% des employés des hôpitaux suisses, tous métiers confondus. Le taux monte jusqu'à 85% au sein du personnel infirmier et 81% pour le personnel médico-thérapeutique et des services sociaux. Mais par contre, pour les postes hiérarchiques, ce sont bien les hommes qui dominent et les professions de médecin cadre et de chef de service sont exercées à 70 et 80% par des hommes, alors que l'on dénombrait, donc en 2015, quand ces chiffres ont été publiés, autant de femmes que d'hommes médecins. On peut aussi souligner que les femmes occupent d'ailleurs une place prépondérante en tant que groupe social assigné au maintien de la santé et aux soins à autrui, donc non seulement en tant que travailleuses rémunérées dans les institutions médicales et paramédicales, mais encore voilà, à titre gratuit dans la sphère familiale. Et parler de santé, c'est aussi parler de traitement, de soins plus ou moins reconnus et professionnalisés, aussi des luttes pour imposer ou pour faire reconnaître des manières différentes de soigner, des luttes pour avoir accès ou échapper à certaines formes de soins, des luttes pour obtenir le remboursement ou la gratuité des traitements. Donc parler de santé, c'est aussi parler de l'industrie pharmaceutique où il y a des enjeux financiers et de pouvoir absolument énormes, vertigineux. Donc vraiment aussi, la santé, c'est un champ où se construit le pouvoir. Et puis la santé, c'est aussi un domaine où depuis longtemps s'articulent des luttes féministes. Donc on peut penser aux revendications du droit à l'avortement, par exemple, dès la fin des années 60. Et puis les critiques des féministes vis-à-vis de l'attitude, par exemple, des gynécologues. Ou plus récemment, on peut penser aux révélations de ces dernières années sur les violences obstétricales. Toujours difficile ce mot. Mais soulignons aussi que les enjeux de genre croisent la santé à plusieurs titres, donc pas seulement dans les domaines de la reproduction et de la sexualité, mais aussi, par exemple, dans le domaine du travail de la santé. Et on peut noter par exemple le mouvement Pay Ta Blues qui dénonce le sexisme en milieu hospitalier. Et la santé, c'est aussi un domaine qui a été investi par les études genre dès les années 70. Donc les études genre ont vraiment pris ce domaine comme objet de recherche et ont montré comment le discours médical déjà est un lieu de production de savoir. Mais comment aussi ce discours a participé et participe encore à produire et à reproduire des normes sociales et des rapports de genre. Donc le discours médical occidental, comme on le connaît actuellement, il s'est élaboré au 18e et au 19e siècle. Donc à la fin du 18e et au début du 19e siècle en Occident, la tendance médicale était à la classification rigoureuse des maladies, inspiré par les efforts des botanistes et des zoologistes des Lumières dans leur organisation de la faune et de la flore. Et les botanistes comme, par exemple, le Suédois Carl von Linné avaient entrepris à classer le monde dans des catégories, des sous-catégories et des sous-sous-catégories. Et la médecine, en fait, de même s'est attelée à morceler les corps, à définir les différents organes, à délimiter. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'il n'y avait pas de catégorisation avant. Elles étaient sur d'autres critères. Je pense que ça a transformé les normes même de la catégorisation. Mais tu vois, avant, il y avait cette vision des corps en tant que fluide qui était pensée dans des termes de chaud, froid, donc qui créait des polarités et des catégories et des différences entre, par exemple, des corps masculins et féminins. Mais donc, je pense que les critères même de catégorisation se sont transformés sous l'influence, comme tu dis, des approches biologiques. C'est ça, c'est en fait une démarche de production de savoir qui s'est vraiment basée sur une catégorisation quand même extrêmement rigoureuse, enfin, à penser la frontière, la différenciation entre les choses, entre les maladies, enfin, tu vois, entre les différents organes, Oui, la question de la question anatomique, comme on la connaît maintenant avec les organes et tout, c'est vrai qu'elle s'est mise en place à partir du 16e. C'était pas une représentation du corps qui comptait et qui était investie avant. Donc, Et justement, en reflet en fait aux changements politiques qui se sont opérés à la Révolution française, où voilà, les hommes ont été déclarés égaux par nature. Et puis il y a eu le droit de vote universel, mais seulement pour les hommes. Et les femmes ont été exclues en fait de cette universalité-là et reléguées à la sphère privée parce que perçues comme naturellement inaptes à participer à la vie politique. Bon, je ne vais pas refaire cette histoire-là, mais il y a vraiment des enjeux politiques sur. C'était important pour les enjeux politiques à l'époque d'avoir une différenciation très claire et inscrite dans la nature. Dans la science médicale, entre les sexes. Et donc, en reflet aussi à ça, les catégories hommes et femmes ont été constituées comme, enfin, en médecine, comme deux catégories homogènes et exclusives. Et la catégorie, donc les hommes, a été élevée comme ça au rang de normes pour construire les cadres, par exemple, des diagnostics. Et ça, ça avait été relevé notamment par des chercheuses en genre et médecine dans les années 80, donc 1980, où elles ont montré que les recherches sur les maladies cardiovasculaires avaient été principalement menées avec des sujets hommes. Et puis, les résultats étaient interprétés comme valables aussi pour donc extrapolés pour les femmes sans recherche préalable avec des sujets femmes. Il y a un exemple aussi pour nuancer la posture médicale. Tu sais, j'ai travaillé sur cette urologue australienne qui était la première urologue australienne à être reconnue comme telle dans les années 80 et puis qui a fait cette série d'investigations sur l'anatomie du clitoris. Et par exemple, donc elle a fait une revue de la littérature moderne, contemporaine, médicale et plus ancienne. Et par exemple, quand elle a étudié les structures qui soutiennent les appareils génitaux masculins et féminins, les appareils féminins étaient décrits comme des homologues, donc pareils aux structures masculines, mais en plus petites. Et dans son investigation anatomique, elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout le cas et qu'elles avaient une architecture très différente, en fait. Donc là, même à l'intérieur d'une science dure, tu vois, médicale, urologique, elle a démontré ça concrètement sur ce sujet de l'anatomie clitoridienne. Ouais. Dans les années, elle a étudié ça entre 98 et 2005. C'était en 2004, je crois, qu'elle a travaillé sur ces structures. D'où l'importance après aussi quand tu interviens chirurgicalement sur cette zone, parce que si tu connais pas bien comment les ligaments se déroulent, tu peux pas préserver leur, leur existence. Ouais. Et c'est ça justement que ça amène en fait, d'appliquer la perspective de genre au domaine médical, au domaine de la santé, c'est que ça permet de remettre en question en fait le discours médical, parce que c'est vrai que le discours médical ou la parole entre guillemets de la science est vraiment perçue dans notre société comme émanant d'un point de vue neutre et universellement objectif, comme n'étant pas liée à la société, aux enjeux sociétals, comme n'étant pas liée à une histoire, comme n'étant pas le produit d'individus. Enfin, donc scientifiques, mais les scientifiques sont aussi des individus qui sont porteurs de stéréotypes, d'idéaux de genre, enfin, qui s'inscrivent dans la société. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, ça, je trouve un peu, c'est le premier apport des études genre dans ce domaine-là, c'est de juste dire qu'en fait, la science médicale, ce n'est pas la vérité vraie. La biologie, ce n'est pas la vérité vraie, c'est une théorie quelque part dans le sens peut-être qui fonctionne mais qui est aussi située, c'est un savoir situé. Oui, ça c'était la plus grosse critique de justement mettre à mal par des exemples très concrets cette notion, cette revendication d'objectivité comme une valeur dominante d'un mode de faire science dominant et qu'en fait non, c'était une science qui était biaisée. Oui, c'est ça et je trouve en fait que c'est pas, parce que quand on le dit comme ça, ça peut paraître assez négatif. Mais je pense que la critique féministe des sciences aujourd'hui, elle montre à quel point, en fait, c'est d'appliquer la perspective de genre, c'est pas pour dire vous faites les choses de la mauvaise manière, il faudrait faire autrement, mais c'est de dire en fait, on peut produire, on peut continuer dans le savoir, on peut produire le savoir de différentes manières, de manière plus stimulante et aussi plus inclusive. Et plus complexe, en fait, aussi. Mais c'était des étapes. Il a d'abord fallu commencer par justement prouver que ce n'était pas une science objective et pour légitimer des modalités diverses de produire du savoir. Mais effectivement, il y a une très grande force propositionnelle. Tu sais, c'est dans ce contexte de mouvement de santé pour les femmes, quand il y avait ces femmes qui se réunissaient dans des groupes pour discuter de différentes thématiques de santé, et notamment le fait de faire des prélèvements de la flore vaginale tous les matins pour voir son évolution au niveau de la flore. Et en faisant ces mesures, elles ont pu voir que sur un même corps, les évolutions étaient très grandes pendant un cycle, mais aussi entre les femmes, il n'y avait pas du tout la même évolution, la même nature de sécrétion, la même qualité de sécrétion. Et donc, en produisant cette diversité d'expérimentations, elles ont pu faire bouger les frontières de ce qui était reconnu comme sain ou pathogène. Mmh. Donc là, elles ont vraiment amené de nouvelles connaissances. Et ça, c'est aussi c'est aussi quelque chose qui est prôné par les féministes, la critique féministe des sciences, c'est d'aller à l'encontre de cette, de remettre en question les catégories hommes et femmes comme des catégories exclusives et comme des catégories complètement homogènes. Et de vraiment regarder aussi à l'intérieur même de ces catégories quelles sont les différences, quelle est la diversité. Ce qui permet aussi de nuancer des catégories très, finalement très rigides. Je pense que genre et santé, c'est vraiment un domaine, et c'est pour ça que je voulais en parler en fait aujourd'hui. Je n'avais pas forcément envie de faire, de dérouler le domaine en soi, mais de dire que c'est genre et santé en fait représente un défi pour la pensée féministe aujourd'hui, puisqu'il nécessite de penser la différence tout en visant à la dépasser en pratique. Donc, par exemple, pour arriver à une prise en charge égalitaire des hommes et des femmes atteintes de troubles cardiovasculaires, donc parce qu'il y a un biais là-dedans, il y a des femmes qui sont, les femmes sont sous-diagnostiquées. Donc, il faut former les médecins à ne pas appréhender cette maladie comme une maladie d'hommes, mais à traiter les hommes et les femmes qui présentent les mêmes symptômes de la même façon. Parce que de manière un peu exagérée, en fait, c'est de ça qu'il s'agit, c'est que tu te pointes avec les mêmes symptômes qu'un homme et tu seras renvoyé à la maison traiter ta maladie imaginaire de gonzesse pleurnicharde avec de l'aspirine et avec le risque de mourir d'une crise cardiaque. Là, il y a une chercheuse, clinicienne, enseignante en fac de médecine à Lausanne, Carole Claire, qui a fait cette expérience sur ces jeunes étudiantes et étudiants en médecine, en première année, je crois, de leur donner une description d'une situation de quelqu'un qui vient avec justement une série de symptômes. Et elle a dédoublé son questionnaire en mettant une fois un profil féminin et une fois un profil masculin comme patiente ou patient. Mais les symptômes sont exactement les mêmes. Si tu veux, tu vois, la description par la patiente ou le patient de son mal-être, même mot, tout. Et il y a une différence fondamentale qui est donnée par les étudiantes et étudiants si le cas est présenté comme féminin ou masculin. Mmh. Donc là, c'était vraiment une manière de leur faire prendre conscience de leur biais de représentation qui les faisait donner un conseil différent. Donc effectivement, retourner à la maison ou alors aller tout de suite en urgence pour les hommes. Mais après, donc il y a un enjeu comme ça d'avoir un traitement égalitaire, mais en fait, il y a aussi un enjeu de prendre en compte les différences entre les femmes et les hommes, dans le sens qu'est-ce que les rôles sociaux des femmes et des hommes ont comme impact sur la santé. Parce que, par exemple, si on pense à la charge mentale et émotionnelle qui est assumée par les femmes, ou encore la charge des tâches ménagères, des travaux de care dans la famille, ça a un impact sur la santé. Donc comment aussi on traduit ça dans les consultations, dans les études, dans les recherches? Et puis, c'est aussi reconnaître une différence, ou plutôt peut-être une diversité biologique. Et là, justement, c'est, je trouve très touchy parce qu'on en a discuté un peu avant de lancer le podcast. Mais c'est quand même exigé que des diagnostics soient établis à la fois à partir de modèles d'hommes et de modèles de femmes. De ne pas avoir uniquement comme modèle pour la production du savoir médical un homme blanc classe moyenne. Et voilà, c'est aussi vraiment pour éviter qu'il y ait des biais comme justement, comme on a cité avant, et c'est pour citer aussi les plus connus, la sous-diagnostication des femmes atteintes de maladies cardiovasculaires, ou encore la sous-diagnostication des hommes atteints d'ostéoporose, qui est une pathologie qui a été longtemps définie comme féminine. Et là encore, on est loin d'avoir atteint une parité, puisque comme Catherine Vidal l'explique dans une émission de France Inter fin 2017, en Occident, les femmes représentent 33% dans les essais cliniques. Voilà, et puis comme on a dit avant, important aussi de souligner les différences au sein même des catégories dites des hommes et des femmes et de ne pas prendre ces catégories pour homogènes et rigides. Et là aussi, faire intervenir une perspective ou une analyse intersectionnelle. Et je pense vraiment que là, il y a un enjeu pour la pensée féministe qui a souvent peur, et c'est tout à fait légitime, puisque la médecine a constitué un outil absolument formidable d'oppression. Mais voilà, la pensée féministe a souvent peur d'aborder l'aspect biologique parce qu'il y a un risque d'essentialisation, de servir à un discours dominant qui justifie les rapports de pouvoir par la nature. Avant qu'on commence le podcast, tu m'as raconté une nouvelle découverte, les féministes. Oui, alors intégrale. Intégrale. Voilà. Qui voilà des personnes issues des mobilisations contre le mariage pour tous en France, qui voilà comment dire résume les femmes à leur utérus et en disant que voilà la femme mère, donc une rebiologisation de l'être femme sociale. Donc c'est utilisé puissamment dans ce sens-là aussi. Ouais. Et c'est vrai que les mouvements féministes, donc pas essentialiste, pas entre guillemets intégral, si c'est ça maintenant qu'on va les appeler. Les mouvements féministes ont déjà mis énormément d'efforts à déconstruire ces discours-là d'une différence ancrée dans la nature. Donc je comprends aussi la crainte, tu vois, mais en même temps, tant qu'on a peur d'aborder la biologie, disons de traiter avec elle, de construire un savoir aussi avec elle, je pense qu'elle continuera à être vue comme une vérité et non comme une théorie. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a vraiment une peur en fait de parler, que ce soit en études genre académique ou même dans le féminisme peut-être plus mainstream. Une peur de parler de biologie. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, de la biologie? Qu'est-ce qu'on fait du corps? Enfin, du savoir produit sur le corps. Tu vois, pour en revenir à ces mobilisations féministes qui mettent en avant le corps féminin comme étant différent et devant être pareillement valorisé, c'est le courant majoritaire, hein, d'après différentes études en ce moment sur les revendications féministes. Donc, c'est aussi... Il faut... Tu vois, il y a une partie qui en a peur, il y en a une autre qui essaie de la déconstruire absolument pour essayer de s'en affranchir, mais là, c'est peut-être aussi extrême. Puis il y en a vraiment une autre qui l'a réinvestie de manière contemporaine, de manière très puissante. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu commences, le problème, c'est d'en savoir un petit peu, mais pas assez. Parce que là, pendant notre formation, on a vu quand même passer plusieurs recherches qui montraient comment des statements, comment des vérités, entre guillemets, enfin des théories biologistes ou était advenu, et puis tu vois justement tous les biais de production de ce savoir. Donc après, et puis on, voilà, ne pas en savoir assez pour vraiment pouvoir penser ces questions jusqu'au bout. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est ce dilemme dont il me semble que on en parle assez souvent, c'est ce dilemme entre reconnaître les différences et pas se laisser enfermer par elles. C'est très, très complexe. Oui, tout à fait. Et reconnaître aussi le... Enfin, je redis à peu près ce que tu viens de me dire, mais de reconnaître le pouvoir aussi des catégories et de réussir à, ouais, comme tu dis, à ne pas se laisser enfermer, à ne pas se laisser, disons, dominer par ces mêmes catégories, mais d'être dans une posture vigilante, de remise en question. Moi, j'ai fait mon mémoire dans ce domaine-là, dans le domaine de l'histoire de la médecine et de l'analyse des diagnostics. Et je me rappelle être allée pendant la rédaction de mon mémoire à plusieurs reprises à Paris pour assister à des colloques et des conférences organisées par l'Institut Émilie du Châtelet, qui est un institut de recherche sur les questions de genre créé en 2006. Et justement, des colloques sur le sujet genre et santé, et de ressortir après 2 jours de colloques, mais complètement lessivée, parce que ça amène à remettre vraiment tellement de choses acquises en question, et puis de trouver. Enfin, ça amène aussi à trouver de nouveaux chemins et de nouveaux cheminements de pensée. Et c'est ça aussi, je trouve, très fascinant en médecine avec le discours et avec le discours scientifique en général. C'est que quand on y applique la perspective de genre, on ouvre vraiment à des manières différentes de penser, à des innovations dans la façon de faire science, de produire du savoir médical et scientifique. Et ça, c'est vraiment génial, juste déjà comme sensation intellectuelle, c'est génial. Puis après, ça participe à ta santé. Oui, c'est clair. Et puis, ça permet aussi de montrer vraiment la puissance transformative de la perspective de genre, qui a comme ça la capacité et les outils pour remettre en question le discours dominant et quand même extrêmement empreint de pouvoir qu'est le discours médical. Alors, quand tu m'as proposé cette thématique genre et santé, moi, j'ai remis ma petite casquette d'inscription d'historienne, socio-historienne sur ces questions. Et j'avais envie de te partager un article qui a été écrit par Aude Fauvel, qui est maîtresse d'enseignement à l'institut où je suis rattachée et qui est ma co-directrice de thèse, pour être claire dans les liens qui nous attachent aux choses et aux gens. Et elle a écrit, elle a publié en 2013 un article qui s'appelle « Cerveau fou et sexe faible, la Grande-Bretagne, 1860-1900 ». Et je trouve que dans son article, il y a déjà une super approche originale et puis qui nous permet un peu d'incarner ce sujet genre et santé. Alors, c'est aussi une réflexion sur la construction des catégories, des diagnostics, mais aussi la catégorie des patientes en tant que victimes. Et de repenser ce statut dans le cas d'une histoire située en Grande-Bretagne. Alors, la psychiatrie, elle est en général critiquée pour sa participation à cette construction culturelle d'un soi-disant cerveau faible des femmes, et puis aussi pour son action concrète d'enfermement des femmes qui refusaient de se plier aux attentes sociales. Puis ça, c'est un type d'études qui ont réussi, féministes, qui ont réussi à montrer ça, et avec raison. Parce que déjà, il s'agissait de montrer l'histoire, la construction de ces représentations, dans le sens qu'au 19e, on appelait la psychiatrie la médecine mentale, elle pensait les processus d'aliénation de la même manière chez les hommes et les femmes. Les troubles mentaux étaient considérés comme les conséquences d'un trouble moral, tu vois, genre un deuil, une faillite ou tout autre choc. Alors effectivement, ces spécialistes de cette époque considéraient comme différentes les causes de trauma chez les femmes et les hommes, avec des conclusions du genre que les femmes étaient considérées comme plus sensibles à la perte d'un enfant et les hommes plus à des déconvenues professionnelles. Bah bon, effectivement, le centre des préoccupations assignées à chacune de ces catégories de sexe n'étaient pas les mêmes, donc forcément il y avait des nuances. Mais de la même manière, ces personnes en souffrance devaient être distraites de ces chocs par des dialogues, des activités saines et puis par cette notion d'isolation dans un environnement médical sécurisé, mais peu importe leur appartenance de genre. Et c'est seulement dans la moitié du 19e siècle, vers 1860, qu'on assiste à un basculement de cette représentation morale de l'aliénation vers une vision beaucoup plus physique des choses. En fait, c'est que les passages dans les asiles ne permettaient pas aux gens de guérir, puis il y avait toujours plus de nouvelles patientèles. Alors, il y a eu débat, tu vois, comme qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et les conséquences à tirer de cette expérience n'étaient pas les mêmes, parce qu'il y avait des aliénistes, comme on disait, qui plaidaient pour d'autres formes de thérapie hors asile. Mais la majorité des médecins a donné une autre explication. C'est qu'en fait, si les personnes qualifiées de folles n'étaient pas guéries, c'est que le mal était plus grave que ça, et qu'il affectait profondément le physique en plus du moral. Et c'est dans cette vision physique de la maladie que la différence sexuée, qui était déjà présente par ailleurs dans d'autres sphères de la médecine occidentale entre les corps féminins et masculins, bah le mental aussi, en miroir, devait être différent. Et les plus grosses différences qui ont été individuées au niveau des corps, bah elles se trouvaient en dessous de la ceinture. Et c'était donc, par définition, dans les ovaires, l'utérus et la vulve qu'ont été localisés les mystères de la psyché féminine. Et au passage, d'où les traitements gynécologiques comme la clitoridectomie pour soi-disant traiter les troubles mentaux. Là, j'ai pensé à ça parce que dans donc la clitoridectomie, c'est donc l'ablation du clitoris. Et ils le font en fait à un des personnages dans The Handmaid's Tale, donc cette série, pour entre guillemets la dissuader d'avoir des rapports lesbiens. Tout à fait. Donc c'est un peu dans la lignée. Voilà. Exactement. Et puis, il y avait aussi une autre différence physique qui a été mobilisée dans ce contexte, c'était celle des cerveaux, en établissant que les cerveaux masculins étaient en moyenne plus lourds. Mais tu vois, sans considérer de manière générale les différences de stature et de poids, et donc ça ne permettait pas à la fin de relativiser ces différences de mesure. Et puis aussi, gros problème, en établissant un lien direct entre le poids du cerveau et la puissance intellectuelle. Donc, entre cet utérus, le moins de muscles et les plus petits cerveaux, tu vois, la quadrature du cercle était parfaite. Les femmes sont devenues cette catégorie de sexe faible, à la fois au niveau du corps et de l'esprit. Mais je me demande si, est-ce que déjà, tu vois, avant qu'ils fassent ce statement un peu physique, psychique, qu'elles étaient le sexe faible, est-ce qu'il n'y avait pas déjà une idée, tu vois, dans l'imaginaire collectif ? Comme quoi les femmes étaient le sexe faible, tu vois. Parce que est-ce que là le discours psychologique il vient pas juste, tu vois, aider le discours dominant quelque part. C'est des co-constructions, donc c'est vrai que 1800, là on parle de 1860 en Grande-Bretagne, en 1804 il y a le Code Napoléon en France. Qui vraiment instaure relègue les corps féminins à la sphère privée domestique et les exclut des champs politiques et de pouvoir. Donc tout ça, c'est des co-constructions, ça c'est sûr. Parce que ce lien entre corps et esprit, ça a aussi relégué les femmes donc à leur statut de mère. Et puis il y avait alors en lien avec la santé, pour rester saine, il fallait que les femmes suivent les trois règles. C'était préserver leur capacité reproductive, privilégier les activités d'intérieur. Donc, tu vois, là, on s'y retrouve. Et puis, proscrire les activités violentes. Ça, c'est hyper marrant parce que tu te dis, si tu fais ça, tu deviens taré. C'est ça. C'est ça, c'est que là, après, il y a toute une éducation, tu vois, qui s'enchaîne et qui se construit, une série de normes. Donc dans lesquelles les femmes doivent se tenir écartées du plaisir sexuel, la stimulation intellectuelle, du sport, etc. Et puis, effectivement, celles qui se hasardaient hors de ces contrées sociales devaient être considérées comme malades et donc devaient être soignées. Ah oui, parce qu'il y avait aussi un autre enjeu, c'est que elles risquaient de transmettre leur tare à leur descendance. Gros problème. Donc effectivement, concrètement, les femmes ont commencé à être plus internées que les hommes à cette époque, sans doute pour justement un faisceau de raisons, mais cette représentation, elle vient nourrir cette évolution des statistiques. Donc voilà, ça c'est l'histoire sombre de cette emprise psychiatrique sur les femmes. Mais l'article d'Aude Fauvel, il nous offre un autre pendant à ce drame, et puis c'est vraiment là-dedans que je trouve sa démarche très originale et nourrissante, c'est d'observer les éléments qui illustrent que cette période dorée du cerveau faible des femmes, en fait, n'a pas duré en Grande-Bretagne. Elle évoque par exemple la date d'exclusion en Angleterre des femmes médecins qui a été vraiment instituée en 1878, donc en plein pendant cette représentation du sexe faible, et qui a été annulée 15 ans plus tard pour même encourager les femmes à suivre ces études. Donc le même milieu scientifique qui les avait évoquées comme plus faibles leur a reconnu 15 ans après leur plein pouvoir. Et qu'est-ce qui a permis ce revirement ? Tu te demandes, hein? Eh bien, c'est ce que Fauvel nomme une contre-culture aliénée collective. Donc, c'est une parole des personnes aliénées qui a pu se faire entendre parce qu'il y a une spécificité dans le droit anglais qui s'appelle l'habeas corpus, qui donne le droit aux personnes arrêtées de se faire entendre par la justice. Et là, c'était fondamental parce qu'il a du coup bien fallu les écouter, ces malades. Par exemple, en Angleterre, il y a la première association de patients et patientes psychiatriques qui a été constituée dans le but de peser sur les politiques, et même une association créée par une femme, Louisa Low, dont Haute-Fauvel dit qu'il faudrait vraiment tisser l'histoire détaillée parce qu'elle manque encore dans l'historiographie de cette époque, mais qui marque une résistance féminine au pouvoir médical. Et ces patientes, ou ces ex-patientes pour celles qui avaient réussi à sortir des asiles, ont réussi à se faire entendre en multipliant des témoignages sur les abus médicaux par des livres, des articles, des conférences, dans des prises de parole qui ont permis de démystifier la soi-disant impartialité médicale. Et elles ont même réussi à obtenir que des enquêtes soient menées sur leurs procédures d'internement. Et donc, elles ont aussi amené leur point de vue sur ce que étaient, selon elles, les définitions de bonnes pratiques médicales. Et c'est là que, justement, tu disais, on pète le câble à suivre les trois règles. Elles ont justement cherché à intégrer ces des données sociales aux troubles nerveux, en montrant justement que ces attentes sociales ne correspondaient pas à leurs désirs. Et puis qu'au sein de ces tiraillements, bah, effectivement, ça faisait craquer ces femmes. Ça, c'est aussi, je trouve, hyper intéressant, parce que ça, elles font là aussi cette... ce déplacement presque un peu humoristique en disant bah, c'est pas possible en fait de faire ça, mais donc elle sort d'une posture passive où elles sont juste voilà, on leur applique juste ça et en disant si vous faites pas ça vous allez devenir tarés, et là elles disent justement ce n'est pas possible, elles deviennent des sujets actifs. Complètement actives, et elles ont réussi en se mobilisant à faire changer des lois, des lois asilaires, ce qui démontre l'influence qu'elles avaient dans l'espace public. Et aussi, pour reprendre cette notion d'être active, Haute-Fauvel décrit que presque toutes les patientes qui étaient impliquées dans cette critique de la psychiatrie, elles étaient parallèlement des ferventes partisanes de l'éducation et puis de l'indépendance économique des femmes. Et justement, à ce propos, elle évoque un effet paradoxal, comme elle dit, parce que les propos de ces médecins qui ont fait circuler cette représentation du sexe faible ont par ailleurs poussé les femmes à entreprendre des études, et puis d'ailleurs particulièrement des études de médecine, pour démontrer le contraire, ou à se mobiliser dans l'éducation, dans la politique. Et par exemple, il y a deux femmes, Sophia Jett Blake, 1840-1912, et Elizabeth Blackwell, 1821-1910, qui ont appartenu à un groupe des sept premières femmes qui ont tenté de s'inscrire ensemble dans une université de médecine britannique. Et puis Jett Blake, après, elle a été finalement rejetée par l'Académie, elle a ouvert en 1874 une université médicale pour les femmes à Londres. Et ces femmes, elles ont dit qu'elles s'étaient engagées dans cette voie médicale, moins par goût, que pour, je cite l'article, lutter contre les malfaisances des docteurs. Donc tu vois, c'est vraiment action-réaction. Et puis vraiment, c'est beau parce que ce mouvement de contestation, il a fini par ébranler les voix des médecins qui leur étaient hostiles. Alors certaines sont devenues plus aiguës, mais c'est surtout parce qu'elles commençaient à devenir très contestées. Et puis, voilà, il y a d'autres praticiens en médecine qui ont aussi commencé à rencontrer de plus en plus de femmes dans leur formation et qui ont bien dû se rendre à l'évidence. Il n'y avait aucun signe de dégénérescence mentale chez ces femmes-là à noter. Alors voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas homogène, qu'il y a toutes sortes de discours qu'il faut historiciser, c'est-à-dire les situer dans des contextes chronologiques et culturels particuliers. Aussi pour voir que ce discours sur le sexe faible, tu vois, qui a été construit dans ces années-là, il a été remis au goût du jour quand il y a eu la mobilisation des suffragettes en Grande-Bretagne au début du XXe. Et là, elles se sont de nouveau fait traiter d'hystériques qu'il fallait soigner, et certaines ont été internées. Et puis dans ce contexte, là aussi, il y a des médecins qui se sont révoltés contre ces abus de la médecine, qui ont mis en cause ces diagnostics de folie. Et puis, tu sais, on en avait parlé à propos du jujitsu, il y avait cette pratique de gaver de force les femmes qui faisaient des grèves de la faim en étant internées ou arrêtées. Et là, voilà, des prises de position de médecins qui ont traité ces pratiques de torture mentale et physique. Donc voilà, pour montrer que ce n'était pas homogène. Et voilà, il a fallu mettre en avant cette victimisation historique des femmes par des médecins, mais c'est aussi nécessaire et passionnant de se pencher sur la façon dont les patientes se sont engagées contre cet abus de pouvoir médical, comme on l'a vu parfois avec succès, et comment les voix peuvent être discordantes au sein d'une même pratique. Et je trouve que cette dynamique des effets paradoxaux, tu vois, elle est vraiment à penser comme une éthique réflexive quand on aborde un sujet, pour pas se laisser, tu vois, enfermer dans des représentations stériles, victimes, bourreaux, par exemple. Mais alors, c'est sûr, c'est plus compliqué à penser et à étayer, mais voilà, c'est une manière de rendre les récits du monde plus fidèles. Ouais. Merci Alessandra d'avoir amené comme ça un exemple concret d'histoire de la médecine, et puis vraiment super cet article, on le mettra sur le postpod, il est très accessible, oui, et il est en accès libre, donc plein de bonnes nouvelles. Ma chère, une joyeuse trizaine. Non, oui. Je peux pas, on enlève. Tu voulais dire quelque chose encore? Non, je crois que c'est bon. Ouais. On revient dans 3 semaines, hein. C'est ça, rendez-vous pris. D'ici là, tchuss, joyeuse suite, tchuss. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le postpod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter, aussi sur iTunes.